En tout cas, on a parlé, puis la conversation, l'heure a passé comme un pet. Alors, effectivement. Ben, merci, mon oncle. Je te remercie beaucoup. Puis, bon spectacle. Puis bonne errance rénaldienne. Hey, oui, c'est bizarre comme titre, hein? Non, c'est très sympathique. Ouais, ben merci. Puis toi, t'es très gentil d'avoir dit oui, hein. Ben écoute. À un être aussi étrange que moi, puis tu t'es jamais rencontré. Je t'avais jamais vu, puis avoir su, je serais pas venu. Ben je sais, non, je te comprends, tu le regrettes, mais là, il est trop tard. Merci beaucoup. Ben, salut mon vieux, puis à la prochaine peut-être.